Mosade, pasé de cèdre les décors, plante et melon, les palissades, ces rayons comme des coupeaux. Dans la lune, fait triste et mine, que la loi terne et les tingris, et qu'à sa folle ronde mine, qu'elle vient de passer la nuit. De l'aube jusqu'au crépuscule, si les frères sont rassemblés, chante alors tous les groupuscules, les ronds de la liberté. Sont plus du même pays, que les cris, les chants des haines ont laissé la place au fusil. Parce que le seul drapeau qui compte n'est plus qu'une couleur tressée, les rouges qui lavent la honte, les rouges de l'égalité. Alors qu'importe la souffrance, les frères morts de son côté, la guerre chante l'existence.